Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces maux, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent.